30e chapitre. Le château de Coidélan. 2 années s'étaient écoulées depuis les événements que nous venons de raconter au précédent chapitre. On était au mois de mai de l'année 1600. La fontenelle ne faisait plus que de rares apparitions à Douarnenez, dont il avait laissé le commandement à la Boule. Il habitait avec Marie le château de Coidélan, où son existence était bien différente de celle qu'il avait menée jusque-là. Il vivait maintenant comme un paisible gentilhomme retiré dans ses terres. Rien, en effet, n'était comparable au bonheur qu'il goûtait près de sa femme, qu'il idolâtrait, et dont l'amour pour lui croissait de jour en jour. L'ancien partisan était donc alors aussi heureux qu'il pouvait l'être avec une organisation comme la sienne, car il avait 2 personnes à aimer sur la terre, sa femme et son frère le baron de Beaumanoir. Depuis son séjour à Coidélan, sa nature féroce semblait l'avoir abandonnée. Aussitôt son arrivée à Douarnenez, il s'empressa de rassembler toutes les pièces d'argenterie provenant du pillage de Mézarnoux et les renvoya immédiatement à son beau-père, Quilliec fut chargé de cette mission. Quelque temps après ces événements, de Romard, ne pouvant plus vivre en bonne intelligence avec son collègue la Boule, se démit de ses fonctions de lieutenant. La Fontenelle, voulant le récompenser des importants services qu'il lui avait rendus, le nomma intendant des châteaux de Coidélan, de Trébriand et de tous les biens provenant de la succession de Marie le Chevoir. De Romard balança un moment s'il devait accepter cette place. Il se demanda si une pareille occupation pourrait lui convenir et s'il ne ferait pas mieux de continuer sa vie militaire. Mais après réflexion, il renonça à abandonner son capitaine, car il lui répugnait d'aller servir sous un autre chef. Il accepta donc avec reconnaissance une position si peu en rapport avec ses goûts. Il existe aux archives de Saint-Brieuc une liasse renfermant les papiers concernant la succession vacante de Guy Hébert, sieur de La Fontenelle et de Coidélan, mais elle ne renferme que les comptes de Jean de Romard, l'un de ses officiers de confiance et son principal mandataire. Tous les curieux renseignements qui y étaient déposés et qui eussent été si précieux pour l'histoire ont été enlevés et anéantis par la famille de La Fontenelle. Le domestique de La Fontenelle à Coidélan ne se composait que d'un très petit nombre de serviteurs. Il n'avait conservé avec lui que quelques soldats fidèles qui avaient voulu le suivre dans cette nouvelle résidence. Marguerite seule, la gouvernante de Marie, avait refusé d'accompagner sa maîtresse à cause de l'effroi invincible que lui inspirait La Fontenelle. Le baron de Beaumanoir, quelques jours après la réception de la lettre de son frère, s'était empressé de se rendre à Coidélan pour faire sa paix avec lui. En cette occasion, aucun blâme ne sortit de sa bouche et il évita entièrement de revenir sur le passé. Il avait compris que des reproches ne feraient qu'irriter Guy Hébert. Celui-ci lui sut gré de ce silence, et depuis, tous les deux parurent se chérir, comme si jamais aucun orage ne fût venu troubler leur amitié. Amaury avait été également rendre ses devoirs à monsieur et à madame de Mézarnoux, avec lesquels il avait toujours eu d'excellents rapports, et son cœur avait tressailli de joie en apprenant que les richesses enlevées par son frère leur avaient été restituées intégralement. Le baron ne put demeurer à Coidélan aussi longtemps qu'il l'avait projeté. La veille, il avait reçu une lettre de Dugranec qui lui annonçait la mort du comte de Pratmaria. L'époux de Clara l'invitait à vouloir bien se rendre au plus vite au Laz pour assister aux funérailles de son père. Beaumanoir fit sur-le-champ ses préparatifs de départ. Il se faisait un devoir de se rendre à cette invitation. Il n'avait pu oublier les consolations que Pratmaria lui avait prodiguées autrefois, et il aurait été bien heureux de pouvoir quelque jour s'acquitter avec cette famille. Le baron était un ami véritable et dévoué, une de ces âmes d'élite si rares sur la terre. Les douleurs de ceux qu'il affectionnait devenaient toujours les siennes. Personne ne savait mieux consoler, car nul n'avait plus souffert que lui. Guy Hébert, en apprenant la mort du comte, avait gardé un profond silence. Il avait respecté le chagrin de son frère. Mais, au seul nom de Dugranec, ses vieux instincts de haine s'étaient réveillés et toutes ses mauvaises passions s'étaient rallumées. Il s'était senti frémir de rage parce qu'il se voyait muselé et dans l'impossibilité de se venger. Il est difficile de comprendre l'horrible souffrance qu'il éprouva en faisant ces réflexions. Puis enfin, il se reprocha encore d'avoir fait grâce à Dugranek alors qu'il le tenait en sa puissance dans les cachots de l'île Tristan. En l'envoyant à la mort, il l'eût empêché au moins de devenir l'époux de Clara. Pendant que cette sourde fureur grondait au fond de son âme, ses yeux d'aigle s'étaient allumés d'un feu terrible. Il avait le regard du démon. Amaury, occupé à lire la lettre qui lui annonçait la mort du comte, ne s'aperçut pas de la violente émotion de la fontenelle. Lorsqu'il eut achevé sa lecture, la physionomie de celui-ci était redevenue calme et exprimait une sorte de tristesse indéfinissable. Le lendemain, les premiers rayons du matin blanchissaient l'horizon et les oiseaux commençaient à peine leur concert joyeux que déjà deux hommes, conversant ensemble, foulaient les herbes couvertes de rosée de la grande avenue de Coadélan. L'un était à cheval, l'autre à pied. Le premier de ces personnages était Amaury de Beaumanoir, le second La Fontenelle. Comme la lettre était arrivée fort tard dans la soirée, le baron n'ayant pas eu le temps de prendre congé de Marie, avait chargé son frère de lui faire connaître la cause de ce brusque départ. La Fontenelle, après avoir conduit son aîné à une certaine distance et lui avoir fait ses adieux, resta pendant un moment dans la même place, le regardant s'éloigner au grand trot de son cheval. « Va consoler Clara et Dugranek, Amaury, » murmura-t-il. « Pour moi, si je t'accompagnais au Laz, je n'y apporterais que la mort. Rien ne saurait arrêter mon ressentiment. Je provoquerais Dugranek au combat, et je ne sais, mais quelque chose me dit que, comme son ami Tréphilis, il tomberait sous mes coups et que le prêtre aurait à célébrer à la fois les funérailles du père et du fils. » Ayant prononcé ces paroles avec cette animation qui lui était habituelle, il reprit à grands pas le chemin de son manoir et se trouva bientôt en face même de Coadélan. Avant de pénétrer dans la cour, il jeta un regard attristé sur l'édifice qui était devant lui, comme si tout à coup un fatal pressentiment l'eût averti que cette paisible demeure, la seule où depuis 10 ans il eût goûté un peu de repos, ne devait pas être longtemps la sienne.